fan de jeux, oui, je suis fan de Mario Bros. Et ça c'est depuis que je suis gosse. Seule façon pour que je sois bien, c'est d'avoir une manette en main. Je suis un sale geek de merde, je suis un sale geek de merde, geek de merde, geek de merde. Je suis un sale geek de merde, je suis un sale geek de merde, je suis un sale geek de merde. Alors double dragon, ça c'est vraiment de la baston. Moi j'adore les vieux Mario, je les trouve vraiment beaux. Avant y'avait pas de 3D et on savait s'en passer. Je suis un sale geek de merde, je suis un sale geek de merde, geek de merde, geek de merde. Je suis un sale geek de merde, je suis un sale geek de merde, je suis un sale geek de merde, geek de merde, geek de merde. Je suis un sale geek de merde. Je suis toujours enfermé, toujours en train de jouer. Dans mon monde je suis un roi, la Triforce est avec moi. Avec elle j'aimerais faire ma vie. Ta Tangala kidnappée, va falloir que